cercle très fermé que l'on décide à votre place. L'emploi que vous occuperez se tire un peu à pile ou face. Ici les gens sont tous experts au petit jeu des sociétés. Assurez-vous que personne ne perd à part ceux qui n'y jouent jamais. Ici on joue avec nos vies et nos vies n'ont que peu de prix. Car tout s'achète et tout se vend en un clin d'œil en un instant. Attention, la partie va commencer. Et ce soir on joue bon, on joue vite, on joue pas pour 10 euros. À New York, à Paris, toute la journée. On va remplir nos bourses au plus grand des casinos. Des économies, en supprimant quelques salaires, on peut décupler nos profits. Surtout ne misez pas petit, vous jouez dans la cour des grands. La chance n'a pas sa place ici et seul l'argent appelle l'argent. Attention mesdames, messieurs, les jeux sont faits. Et ce soir on joue gros, on joue vite, on joue pas pour 10 euros. À New York, à Paris, toute la journée. On va payer nos bourses au plus grand des casinos. Attention, rien ne va plus.